Miami. Nous avons passé une bonne partie de l'après-midi à lézarder au bord de la piscine, à parler de nous, de notre amour. L'opinion de la plupart des gens est qu'il est impossible que des sentiments sérieux s'installent dans un couple dès la première minute. C'est ignorer qu'un homme et une femme qui s'aiment peuvent être autre chose qu'un couple, autre chose et bien plus qu'un couple. Ils ne sont pas nombreux à être capables de comprendre ce que sont deux âmes sœurs qui se cherchent depuis la nuit des temps. Et se trouve enfin avec la certitude que l'un est l'autre, que l'autre est soi, et que pas même la mort ne peut les séparer. Ressentir au même instant ce que l'autre ressent, joie, bonheur, chagrin ou tristesse, pourrait paraître un handicap, un dysfonctionnement, la négation de l'ego. Justement, le paradoxe est que cette fusion quasi totale de deux êtres ne gomme en rien l'individualité de chacun et sa part de libre arbitre. De fait, les désaccords, et il y en a parfois d'importants, ne durent jamais bien longtemps. Ils sont même, grâce au dialogue permanent de deux esprits qui communient, le ciment d'une fusion chaque jour plus intense. Personne ne pourrait sans doute nous expliquer ce qui nous arrive et comment le gérer. Nous ne le pourrions pas nous-mêmes. C'est sans nul doute de cette alchimie qu'est venu ce besoin impérieux dont Nathalie a été la première à parler. Tout se dire. Expliquer chaque instant de sa vie d'avant. Afin que l'autre soit en nous, qu'il voit en nous, tout au fond de nous, au plus profond de notre âme. Ne rien dissimuler. Nathalie me dit avoir été très troublée par ce besoin de tout dire, jusqu'aux moments les plus intimes, ceux que l'on garde d'ordinaire bien cachés au fond de son jardin secret. Elle a d'abord eu peur de cette envie irrépressible d'exhiber son cœur, son âme, son corps, et, lorsqu'elle y a cédé, la joie et la jouissance de sentir que je voyais tout d'elle ont été intenses. Elle me rappelle, avec un petit sourire mi-timide, mi-coquin, notre première nuit à Barbizon. Jamais, pour aucun homme, je n'ai ainsi exhibé mon corps et mon cœur sans retenue, sans aucune pudeur. Alors tes sourires, tes caresses, nos orgasmes, la joie de m'endormir et de me réveiller entre tes bras, ont été des moments de magie pure. Nous sommes assis sur le bord de la piscine, les pieds dans l'eau. Je lui dis ressentir ce même besoin. Je te raconterai tout. Tout ce qu'était ma vie avant la rue d'Onou. Sans omettre les moments les plus sombres, ce que je voudrais cacher tant ils me font encore mal. Je sais qu'avec toi, je n'ai rien à craindre. Que tu ne jugeras pas. La seule chose qui me retiendrait de t'en parler est de savoir que tu ressentiras aussi cette souffrance. Elle m'embrasse tendrement, comme pour me rassurer. Avec tes peines et tes souffrances, je partagerai aussi tes joies, les merveilles de cette Afrique qui t'a façonné, faisant de toi ce personnage atypique, doux et sauvage à la fois. J'aimerais aussi que l'on partage nos moments coquins. Tu te souviens du récit que tu m'avais fait de ta première fois alors que tu avais 15 ans? D'accord, j'avais d'abord dû t'arracher les détails, mais lorsque tu t'étais laissé aller, ça avait été très émouvant et terriblement excitant, au point d'ailleurs de t'avoir demandé de m'initier. Tu as un don pour dire ces choses et je sens que la prochaine fois ce sera encore plus poétique. Elle rit. Et moi, en échange, je serai tout aussi poétique pour te raconter chacune de mes rencontres, tant celle du saphir que les autres. Les autres, je croyais que, chut, c'est une surprise. J'ai droit à un petit regard en coin. J'espère que tu ne te demandes pas si je suis une cochonne infréquentable. La réplique était prévisible. Oh, je ne me le demande pas, j'en suis certain. Elle a des réflexes foudroyants. « You monster, I'm going to drown you. »« Monstre, je vais te noyer. » Avant même que j'aie pu réagir, je me retrouve projeté dans la piscine par une tornade blonde. Lorsque nous émergeons, ses grands yeux bleus sont chargés de tendresse et de beaucoup d'autres choses. Tout compte fait, je crois que je ne vais pas te noyer. Je ne désespère pas de faire de toi un petit cochon accompli. Là, son regard vire à l'invitation aux derniers outrages. Tu verras, on y prend vite goût. Le baiser qui suit est d'autant plus torride que ses mains s'égarent sous la ceinture de mon maillot. La lueur qu'elle voit passer dans mes yeux lui dit tout ce que son geste a d'impudent. Du calme, gentleman, Inès est certainement encore là. Et je ne voudrais pas finir de ruiner ma réputation. L'instant de l'après, assagi et séché, nous sommes confortablement allongés sur nos transats. Elle pense nécessaire de préciser un point. Pour revenir sur la conversation que nous avions tout à l'heure, j'en exclurai tout de même deux choses. Ah, et quoi donc? Tout ce qui concerne l'intimité de ta vie conjugale. elle n'appartient pas qu'à toi. Elle appartient aussi à la mère de tes enfants, et je ne supporterai pas de violer son intimité. Ce serait lui manquer de respect, et je suis certaine que c'est une femme respectable, sinon, avec ce que vous vivez, tu ne seras pas encore avec elle au bout de tant d'années. De la même façon, je ne parlerai jamais des détails de ma vie avec celui qui a été mon mari. Non parce qu'il est un homme respectable, tant s'en faut, mais parce qu'il est le père de Peter. Elle a un petit sourire triste. La seule chose que je te dirai, c'est que j'étais une femme épanouie lorsque je l'ai rencontré et qu'en moins d'un an, il a réussi l'exploit de faire de moi une loque à la sexualité totalement inhibée. Il n'y a que 3 ans alors que j'ai vraiment retrouvé ma libido. Je pense être comme beaucoup d'autres femmes. J'aime le sexe, j'en ai besoin. C'est aussi nécessaire à ma vie que l'air que je respire, mais l'alchimie du désir est un phénomène très complexe. La remarque m'intrigue. Que veux-tu dire par là? Que ne pas éprouver de désir pour quelqu'un d'apparemment séduisant ou être rebuté par quelque chose que l'on ne peut définir et très mal supporter le contact de cette personne n'est pas aussi rare que ça. Je l'ai vérifié personnellement. Hein? Et ton expérience est récente? Elle sourit, amusée. Oui, enfin, relativement. Au saphir avec un nouvel adhérent de l'Institut il y a presque 1 an. C'était un homme magnifique avec un corps d'Apollon et un visage très agréable. Beaucoup d'adhérentes cherchaient à passer une soirée tantra avec lui au saphir. Et j'ai fait comme tout le monde. Il a accepté tout de suite, ce qui m'a valu quelques jalousies de la part de celle qui s'estimait plus attirante que moi. Bref, lorsque je me suis trouvé seul avec lui, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas, sans pouvoir définir ce que c'était. Après les salutations d'usage, dès que nous avons été nus, il a instantanément été en érection. C'était très flatteur, mais contrairement aux autres partenaires déjà rencontrés, je n'éprouvais aucun désir. Et j'ai même eu une espèce de crise d'angoisse avant même que nous ne nous soyons touchés. C'était un vrai gentleman. Il s'en est tout de suite rendu compte et c'est lui-même qui a remis mon peignoir sur mes épaules. C'était la première fois qu'une telle chose m'arrivait à l'Institut. D'autres adhérents largement moins beaux que lui m'avaient fait, comment dit-on déjà? Ah oui, grimper au rideau. Elle rit. J'adore cette expression. Les yeux fermés, elle cherche dans ses souvenirs. La crise d'angoisse en moins, il m'est arrivé la même chose ma première année à Rochester avec le quarterback de l'équipe de football de l'université. J'ai résisté quelque temps à sa drague, mais j'ai fini par me dire que ça ne coûtait rien d'essayer. Seulement, lorsqu'il s'est agi de passer à l'acte, blocage total. Lui n'était pas un gentleman, et il m'a dit d'aller me faire... Bref, il était très vexé. C'était la première fois qu'une fille sortait de son lit plus vite qu'elle n'y était entrée. L'image évoquée est sans doute comique, pourtant je ne ris même pas. Ce que Nathalie m'a décrit me renvoie des moments bien trop douloureux. Mais elle n'a pas dit cela au hasard. Elle a voulu me faire comprendre que personne n'est responsable de ce genre de situation. C'est la loterie impitoyable des phéromones. Je l'écoutais sans dire un mot, mais elle sait très bien ce que je ressens. C'est sans doute ce qui se passe entre ta femme et toi. Mais maintenant, derrière vous, il y a 18 ans de mariage et 2 enfants. Je pense qu'aujourd'hui, c'est irrémédiablement compromis. Et vous n'y pouvez rien ni l'un ni l'autre. Pour trouver une sexualité normale, il lui faut soit prendre un amant, soit attendre que vous puissiez vous séparer une fois les enfants lancés dans la vie. Elle rajoute, l'air un peu triste, ce qui fera de notre relation un chemin long et difficile, parce que toi et moi, nous savons que notre amour ne peut vivre au détriment des tiens. Nathalie, d'habitude très discrète, me pose ensuite quelques questions sur ma famille et surtout sur mes enfants, cherchant manifestement à savoir si notre relation ne risque pas de les faire souffrir. Sans porter aucun jugement sur ma façon de gérer mes absences, elle paraît cependant étonnée du fait que je parvienne à dissimuler ma liaison. Le destin voulut qu'au lieu d'une relation à but purement sexuel, notre rencontre ait été un véritable coup de foudre, qui s'est instantanément mué en un amour profond. À son sens, cela change la donne, et elle pense que je ne vais pas pouvoir cacher notre liaison très longtemps. Ma réponse ne semble pas la rassurer. Je lui explique que chez moi, ma femme et mes enfants, encore bien davantage, se moquent de savoir où je vais et quand je pars. Je n'ai jamais réussi à accepter cette sourde hostilité tellement palpable chaque fois que je rentre et surtout leur soulagement évident lorsque j'annonce un nouveau départ. Je suis certain qu'à chaque fois ils comptent les jours où le taxi qui va me conduire à l'aéroport les libérera de ma présence. Nathalie m'écoute attentivement. Je vois bien qu'elle a les larmes aux yeux, surtout lorsque je souligne qu'en plus de ma frustration sexuelle, je vis aussi cette souffrance-là. Chaque fois, les tentatives de discussion avec ma femme se soldent par la même conclusion. Tu n'as qu'à changer de travail et rester à la maison, tu verras que tout s'arrangera. Qu'entend-elle partout, elle qui refuse de voir que si je me suis jeté dans ce travail à corps perdu, c'est pour ne pas devenir fou. Elle ne sait pas à quel point, au début, la douleur était atroce lorsque venait le moment du départ. L'angoisse de devoir quitter ma maison, ma femme et mes enfants, et les nuits de solitude passées à pleurer loin des miens. Elle n'imagine même pas la volonté surhumaine qu'il m'a fallu pour ne pas tout plaquer et retrouver le cocon rassurant du foyer. Je savais qu'il me fallait tenir. Car sans ce travail qui prenait ma vie, c'est la frustration devenue insupportable qui l'aurait détruite. Elle ignore le nombre incalculable de fois où, comme un collégien, je me suis soulagé tout seul pour ne pas l'importuner par mon désir et surtout pour ne pas pleurer sur une étreinte dont ma partenaire attendait la fin avec résignation. Ma femme était d'autant plus péremptoire dans sa demande de me voir quitter ce travail qu'elle était persuadée que la dépression dont j'étais péniblement sorti 2 ans auparavant était due au surmenage et non à la frustration sexuelle dont elle refusait obstinément de débattre. Aujourd'hui encore, tout le monde est contre mon engagement professionnel, le qualifiant même de démarche égoïste. Évidemment, personne pour se poser la question de savoir ce qui motive une telle boulimie de travail. Pas plus d'ailleurs par quel miracle le train de vie de la famille a décuplé. Mon revenu était passé de la maigre solde d'un simple sous-officier permettant à peine de joindre les deux bouts au double de celle d'un général. Je confirme à Nathalie que si à un moment, et malgré les conseils de mon ami médecin, j'hésitais à me lancer dans une relation, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je suis heureux de l'avoir fait, me sentant enfin vivant et libéré, me sentant enfin un homme. Mais la blessure qui, sans aucun doute, ne cicatrisa jamais, c'est d'être traité en étranger sous mon propre toit. Cette douleur-là peut être encore plus insupportable que la frustration sexuelle dans laquelle je vivais encore il y a juste un peu plus d'un mois. Nathalie est très émue. Elle vient se blottir contre moi. Son baiser a un goût salé et je ne parviens à retrouver son sourire qu'en lui disant que maintenant tout a changé, depuis que le soleil de son amour illumine et réchauffe ma vie. Elle me paraît pleinement rassérénée que lorsque je l'assure que tant que mes enfants n'auront pas construit leur vie et que ma femme n'aura pas retrouvé quelqu'un, jamais je ne chercherai à la quitter pour ne pas qu'elle reste seule. Elle a un petit sourire triste. Tant mieux parce que je ne pourrais pas me supporter dans le rôle d'une briseuse de famille. Pour le reste, ça ne me regarde pas. Tu gères comme tu l'entends. Sur ce, on a piqué une tête et fait les fous pendant un bon quart d'heure, profitant de l'eau, du soleil et du bonheur de nous regarder, de nous toucher, de nous embrasser. Il est 17h. Le lourd portail se referme lentement derrière nous et Nathalie s'engage à gauche en direction du centre-ville. Capote baissée, le large cabriolet s'insère dans la circulation de la 8e rue. Cheveux au vent, Nat est magnifique. Petite veste de toile gris clair sur une robe crayon noir au-dessus du genou, bottines noires à talons un peu plus haut qu'à l'ordinaire. Une paire de larges lunettes de soleil complète sa tenue. C'est elle qui a choisi les vêtements que je porte. Pantalon de toile bleu clair et chemise blanche, veste de lin bleu marine et mocassin noir. Quant à mes lunettes de soleil, ce sont les mêmes qui, il y a une semaine, me protégeaient de la luminosité de la savane africaine. La rue commence à s'animer. Elle est bordée de petits immeubles, d'un à deux étages, avec bien souvent un magasin d'alimentation ou une bodega avec terrasse ouverte sur le trottoir. Pas une enseigne ou un panneau publicitaire qui ne soit en espagnol. De temps à autre, Nathalie commente à détail une scène de rue. Nous sommes arrêtés à feu rouge au croisement de la 27e avenue. De l'autre côté, sur la gauche, un grand bâtiment à 3 étages, au centre duquel émerge une tour imposante. C'est le Dade College Inter-American Campus, entièrement rénové et réaménagé, où elle m'explique avoir été scolarisée pendant sa prépa pour Rochester. Vert, la voiture redémarre. À droite, une boutique de tatouage, puis un crématorium. Je suis surpris de l'emplacement. En France, on a plutôt tendance à camoufler ce genre d'édifice. Ici, l'établissement a carrément pignon sur rue avec un vaste panneau publicitaire vantant l'excellence et la diversité des prestations proposées. Plus nous avançons, plus la rue s'élargit. Toujours beaucoup de commerces. À gauche, un supermarché. À droite, une dizaine de boutiques dont je note que, comme beaucoup d'autres, certaines vitrines sont baraudées. un motel, un restaurant péruvien, mais si la rue est beaucoup plus large, les bâtiments sont toujours peu élevés. Nathalie m'explique que c'est souvent le cas dans les quartiers périphériques des villes américaines et que tout va très vite changer lorsque nous atteindrons le carrefour de la 3e avenue. Effectivement, le nombre de bâtiments à plus de 2 étages augmente et Nathalie attire mon attention sur la skyline que l'on aperçoit au loin. C'est Downtown, le centre-ville. Nous passons sous un double viaduc et là, d'un seul coup, c'est comme si l'on changeait de planète par un coup de baguette magique. Nous venons de quitter Little Havana. Nathalie, attentive à la circulation, ne semble même pas chercher sa route. Il est vrai qu'elle est ici chez elle et que ses tours et ses rues lui sont familières depuis l'enfance. Elle commente chaque curiosité ou chaque point notable avec une précision telle qu'elle pourrait en faire un métier. Je lui dis qu'elle est le plus joli guide que j'ai jamais connu. Elle me sourit et se met à fredonner la chanson de Gilbert Bécaud, Nathalie. Notre tour de ville nous fait passer devant le gigantesque immeuble style années 30 du tribunal du comté à Bayside Marketplace, où un étrange clocher à l'architecture baroque est noyé au milieu des tours de verre et d'acier. Notre circuit continue vers le nord. La première halte est pour le Museum Park, très fréquenté par les familles et les sportifs, qui en vélo, qui en petite foulée, s'adonnent à leur activité préférée. Sans oublier garçons et filles en short ultra court, équipés de protections et de casques multicolores, les pieds chaussés de rollers qui foncent comme des bolides sur des pistes réservées. À l'entrée du parc, l'inévitable food truck distribuant hot dogs, donuts et je ne sais quels autres concentrés lipidiques et caloriques. Nathalie pendue à mon bras, nous marchons pendant 20 bonnes minutes dans des allées fleuries bordées de palmiers et de cocotiers. Elle s'avance pour me faire découvrir et commenter la vue sur le gigantesque port de tourisme et les non moins gigantesques viaducs qui l'enjambent. Mais, à n'en pas douter, la vue la plus belle se situe à la lisière de la veste que Nathalie a jetée sur ses épaules. Avec cette robe très ajustée, chacun de ses mouvements fait jouer la musculature de ses hanches et du bas de son dos. Le tissu stretch sert d'écrin à la plus belle chute de rein qu'il est possible d'imaginer. Je crois son regard, il pourrait être ironique, il n'est que tendresse. Ses yeux me disent « Merci de me trouver belle et de me désirer ». Elle rit et me mordant l'oreille murmure « J'adore quand tu me regardes comme ça. J'ai l'impression d'être revenu rue d'Onou. » Sauf qu'il faisait un peu plus froid. Et outre ton manteau, je suppose que tu portais aussi des sous-vêtements. Ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui. Elle s'arrête, me dévisage, sourcils froncés avec ce faux air courroucé que j'adore. Avec ce genre de robe, il est impossible de porter une culotte, ça se verrait trop. Tu veux dire que si cette robe craquait, je serais toute nue et immédiatement interpellée pour attentat à la pudeur. Elle rit beaucoup de mon air perplexe, qui trahit mon inquiétude quant aux conséquences d'une couture en lame et l'exposant au regard indigné des passants. Non, ce n'est pas vrai, je te fais marcher, j'ai un string. La seconde d'après, nous sommes pris d'un fou rire qui attire sur nous quelques regards. Comme en plus nous parlons français et que le fou rire est contagieux, nous ajoutons l'amusement à la curiosité. De retour à la voiture, Nathalie me dit encore combien elle est heureuse d'être là, dans sa ville, avec l'amour de sa vie. Son sourire à ses fossettes en témoigne. Elle précise « Même si nous ne nous étions connus qu'une nuit, ou même une seule heure, tu serais l'amour de ma vie. » Je la prends dans mes bras. « Merci, Nat. Merci pour toute cette joie que tu me donnes. » Nous redémarrons, et par le viaduc qui rejoint Watson Island et South Beach, nous roulons jusqu'à South Point Park. Là aussi, le panorama est magnifique, et la vue sur l'océan vers lequel nous marchons après nous être garés est tout simplement grandiose. Devant, l'immensité bleue et derrière nous, toute la skyline, avec en arrière-plan le soleil qui commence à descendre. Avant de quitter la voiture, Nathalie, en américaine pratique, a troqué ses bottines contre une solide paire de Converse. Il y a, si je ne m'abuse, de la marche dans l'air. Avec ma grande perspicacité, j'ai vu juste. Nathalie nous entraîne jusqu'à l'extrémité du pier, ce qui, aller-retour, fait un sacré bout de chemin. C'est une magnifique promenade, avec au bout de la jetée, l'océan sur plus de 180 degrés, l'odeur iodée de l'air chargé de sel et d'embrun. Ce n'est pas trop recommandé pour la coiffure des dames, mais la crinière de Nat semble capable d'essuyer toutes les tempêtes. Ce n'est pas une petite brise et quelques embruns qui vont l'inquiéter. Sur notre droite, vers le sud, de l'autre côté du chenal, Fisher Island. De retour, passage obligé à la voiture pour rechausser ses bottines et Nathalie m'entraîne à la terrasse en bord de mer du célèbre bar-restaurant Smith & Wolensky. Les cocktails de jus de fruits sont aussi délicieux que gigantesques, largement de quoi se réhydrater et faire le plein de vitamines. Nous passons un bon moment à savourer l'instant, profitant de la vue, de la petite brise du large et du bruit feutré des vagues qui roulent sur la grève. Nathalie me parle de la ville, de son histoire et de l'extraordinaire diversité ethnique de sa population. Passionné par ce qu'elle me fait découvrir, je bois ses paroles. Sans s'en rendre compte, l'environnement aidant, elle revient de plus en plus fréquemment à l'anglais, et là, j'avoue avoir du mal à suivre. « Excuse-moi, mais c'est d'être ici avec toutes ces conversations en anglais autour de nous. Je ne me rends même pas compte que je passe d'une langue à l'autre. » Je prends sa main, y dépose un baiser. « Je te promets de m'y mettre sérieusement aussitôt rentré. D'ailleurs, dès que j'aurai acquis les bases, il faudrait que tu ne me parles plus qu'en anglais. »« Ok, on fera comme ça. Mais tu verras, à l'exception de la prononciation, c'est de loin beaucoup plus simple que le français. » Nous continuons notre conversation sur les particularités de chaque langue. Nathalie m'expliquant qu'elle préfère le français avec son vocabulaire si riche, capable d'exprimer bien plus de nuances que sa langue maternelle. J'avoue quand même avoir un petit faible pour le gaélique, que j'ai appris toute petite avec papa et maman. Tu es absolument époustouflante et je ne serais pas surpris qu'un jour tu m'annonces être mise au russe ou au chinois. Mais pour la peine, dis-moi quelque chose en gaélique. Elle fait semblant de réfléchir et de chercher ses mots. D'accord. Esto grumhel. Tatuama grigatsao. Et ça veut dire, tu es l'amour de ma vie. Tu es dans mon cœur à jamais. C'est une langue magique, si étrange et si belle. Si je le pouvais, je me lèverais, je viendrais t'embrasser. Mais là, il y a vraiment beaucoup trop de monde. Je prends sa main par-dessus la table. Je t'aime aussi, Nat, de toute mon âme. Le temps a filé, et ici, le soleil se couche très vite. Il va falloir choisir un endroit pour dîner. Nathalie hésite un instant. Nous pourrions rester là. La table est bonne et le cadre agréable, mais je préfère te faire découvrir autre chose. Je t'emmène chez Joe. C'est un restaurant de poissons et de fruits de mer, le plus réputé de Miami. Décor tarabiscoté, mais excellente assiette. Ok, je te suis. Nathalie me précède et traverse la terrasse. Je note que sa robe très ajustée a un certain succès auprès des messieurs. Je lui en fais la remarque. Oh, c'est comme à Paris. Les hommes te mangent des yeux. J'aime bien. Je trouve ça agréable quand c'est fait avec élégance. À la différence de l'Italie où ils sont un peu collants, en particulier à Rome. La nuit est maintenant tombée. Avant de démarrer et afin que nous profitions pleinement des lumières de la ville, Nathalie replie la capote de la Mustang. Les tours de verre scintillent de mille reflets. Je ne sais comment est New York avec ses éclairages fabuleux si réputés, mais je suis certain que Miami n'a rien à lui envier. Miami la sudiste mire de tous côtés dans les eaux sur lesquelles elle semble flotter. Le spectacle est féerique et donne parfois le vertige. On ne distingue plus très bien la limite entre l'eau et la terre. Ce qui est reflet et de ce qui ne l'est pas. Malgré le petit creux qui tenaille mon estomac, j'en viens à regretter d'être déjà arrivé. Le trajet jusque chez Joe a été beaucoup trop court. Nathalie m'observe du coin de l'œil et juste avant de stopper devant le restaurant, prend ma main dans la sienne. D'une pression des doigts, elle me dit combien elle est heureuse de m'avoir fait partager ce moment. « Tu avais l'air d'un enfant devant un sapin de Noël. » Paris est sûrement une très belle ville, mais c'est une beauté austère. Ta ville, c'est la jeunesse, la vie et la joie de vivre, c'est magnifique. Le baiser qu'elle me donne est si doux, ses yeux sont comme Miami, ils scintillent de mille lumières, et jamais les deux fossettes qui encadrent son sourire n'ont été aussi craquantes. Elle confie le cabriolet à un voiturier, et veste jetée sur les épaules, d'un pas décidé, elle m'entraîne vers la grande entrée du restaurant gardée par deux cerbères, aussi impressionnants par leur carrure que par leur costume noir. Le plus jeune nous ouvre la porte. Nous entrons dans un décor de folie semblant être sorti tout droit de l'imagination d'un Dali matiné de facteur cheval. Avec ses colonnades torsadées, ses fresques multicolores, ses lustres dorés, ses chaises à hauts dossiers habillées de velours pourpre et ses multiples petites salles, le restaurant Joe n'a certainement pas son équivalent dans le monde. Nathalie s'amuse beaucoup de mon étonnement. La cuisine est aussi folle que le décor qui va d'ailleurs changer. Ils doivent fermer pour travaux sous quinzaine. L'hôtesse d'accueil confie le couple qui nous précède à une charmante serveuse court vêtue et revient vers nous toute souriante. Nathalie me glisse. « T'inquiète pas. Par précaution, j'ai réservé depuis ce matin. On devrait avoir une table tranquille. » Suivant notre hôtesse au tailleur strict, si ce n'était la mini-jupe, nous traversons la salle principale sur laquelle les cuisines donnent directement, avec en devanture, sur des présentoirs réfrigérés, un assortiment de poissons et de crustacés à donner le tournis. Saules, bars, rougets, turbots, mérous et autres populations à nageoires disputent la vedette aux palourdes, huîtres, moules et crabes géants, dont les pinces accommodées de mille façons sont les vedettes de la maison. On nous installe dans une petite alcôve de trois tables avec vue sur une terrasse bondée à 7 heures. La carte est impressionnante, en rapport direct avec le contenu pléthorique des présentoirs réfrigérés. Après un bref survol, je la referme et donne à Nathalie les pleins pouvoirs. « Ne me demande pas ce que je veux. Ce que tu choisiras sera parfait. Je crois que tu es la seule capable de te retrouver dans ce dédale culinaire. » Et c'est vraiment parfait, à l'exception des quantités pentagruéliques servies à chaque plat et dont nous laissons chaque fois la moitié. La cuisine de Joey est irréprochable. Le choix du vin ne pouvait qu'être excellent et j'en complimente Nathalie, m'inquiétant tout de même de l'enthousiasme avec lequel elle y fait honneur. Je ne voudrais pas jouer les rabat-joie et encore moins les pères fouettards, mais je crois avoir entendu dire qu'aux États-Unis, l'alcool au volant, c'est tolérance zéro. Le sourire de Nathalie est synchrone avec l'apparition d'un jeune homme très distingué et très typé latino que je n'avais pas vu approcher. Elle semble le reconnaître, lui fait signe de se pencher et lui murmure une phrase en espagnol en lui tendant un ticket et une enveloppe qu'elle vient d'extraire de sa pochette. « Bien, madame, si vous avez besoin que je vienne vous chercher, n'hésitez pas à m'appeler. » Un bref signe de tête et il s'éloigne. J'avoue ne pas très bien comprendre. « Si je ne m'abuse, tu viens de donner à ce jeune homme les papiers de la Mustang et le ticket du voiturier. » Elle repose sa pochette et me prend la main. « Comme tu l'as justement fait remarquer, ici, l'alcool au volant, c'est tolérance zéro. J'ai donc fait récupérer la voiture par le fils de Fernando. Je l'ai appelé tout à l'heure depuis la cabine des toilettes quand nous étions chez Smith et Bolensky. Désolé, j'aurais dû t'en parler, mais j'agis par automatisme. C'est toujours comme ça que je m'organise quand je sors le soir lorsque je viens à Miami. » Pour la suite, j'ai prévu une voiture avec chauffeur. Elle rajoute dans un rire. Donc, on peut boire sans s'inquiéter. Mais raisonnablement, quand même. Ah, eh bien, à ta santé. C'eût été dommage de s'en priver, ce vin est excellent. Je prends un air détaché. Peut-on savoir quelle est la prochaine étape? Nathalie trinque avec moi. Ça, c'est une surprise. Mais pour notre séjour, j'ai prévu de faire le même circuit que pendant mes vacances de célibataire. Ce sera une façon de te raconter in situ ces moments de ma vie. J'essaierai de te faire vivre les nuits de Miami comme je les ai vécues chaque fois que j'y suis venue toute seule. Pendant tout le dîner, Nathalie est gaie comme un pinson. Ce n'est pas le vin, enfin pas que, qui la rend si heureuse. C'est tout simplement la joie de partager chacun de ces instants avec moi. Ses rires sont un vrai bonheur. Aussi sensible soit-elle, et peut-être justement parce qu'elle l'est, Nathalie est la joie de vivre incarnée. Cette femme est solaire. Comment a-t-elle pu tomber amoureuse de quelqu'un comme moi? Sensible, certes, je le suis, et sans doute plus que de raison. Mais je ne suis pas ce que l'on peut appeler solaire. Le côté Pluton me conviendrait mieux. Le dîner s'achève. Il est près de 23 heures, et Nathalie demande au maître d'hôtel de nous appeler une voiture. Blottis l'un contre l'autre, sur la banquette d'une superbe limousine blanche, et nous mangeons de bisous, nous nous laissons porter vers l'adresse que Nathalie a donnée au chauffeur tandis qu'il nous tenait la portière. Très occupé par la bouche et le décolleté de Nathalie, je n'ai pas prêté attention au début du trajet. Lorsque nous reprenons notre souffle, la limousine roule au pas sur Ocean Drive vers le nord. L'avenue est magnifique et noire de monde. À gauche, de très beaux hôtels, nightclubs et cafés. À droite, une très large allée bordée de lampadaires qui l'éclaire à giorno. Des cocotiers, des palmiers et des bacs à fleurs la décorent tout du long et forment une nette séparation entre l'avenue et la plage. Nous roulons pendant un bon quart d'heure, ce qui me permet de vérifier que si Nathalie porte bien un string, c'est la robe et elle seule qui fait office de soutien-gorge. La limousine oblique à gauche et s'engage sur un pont. 500 mètres plus loin, nous retrouvons la terre ferme. Nous sommes sur une île, ce que me confirme Nathalie. Bay Harbor Island. Nous allons au temple de la country. Une centaine de mètres et la voiture stoppe devant l'entrée d'un bâtiment surmonté d'une large enseigne de néon pourpre, The Seven Roses. Descendu le premier, j'aide Nathalie à s'extraire de la confortable banquette où nous étions si bien que j'irais volontiers passer la nuit. Deux colosses à peine plus souriants et du même cabaret que ceux du restaurant montent la garde devant l'entrée.